إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va lire ensemble le cours numéro 18 dans la lecture du livre Al-Mawqif, Mawqif al-Muslim min al-Fitan, Al-Fitna wa Mawqif al-Muslim minha, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Aqil. Et on est toujours dans la deuxième partie du livre au sujet de la position de la charia qu'on doit adopter selon la charia vis-à-vis des fitan et les effets des fitan sur les individus et sur la Ummah. On a expliqué au dernier cours la position de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, comment il a réagi face à la fitna ou face aux différentes fitan qui sont apparues à son époque. Et aujourd'hui, on va lire la position de l'imam Ahmad, rahimahullah, face à la fitna qui est apparue à son époque. Mihnatul Qur'an, ou fitnatul Qur'an, ou fitnatul khalqul Qur'an. Donc, mawqiful imam Ahmad, rahimahullah, la position de l'imam Ahmad face à la fitna qui est apparue à son époque, qui était l'épreuve au sujet de la création du Qur'an. Parce que les Mu'tazila, comme on le sait, ils ont fait une grosse fitna à l'époque de l'imam Ahmad concernant la question du Coran. Et eux, ils appelaient les musulmans à dire que le Coran est créé. Donc on va lire un petit peu à ce sujet-là dans cette partie du livre. Al-Mawqif al-Thamin, la huitième position, qui est la position de l'imam Ahmad. Mawqif al-Imam Ahmad, rahimahullah. Donc le cheikh il dit كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه وانكسر الباب قام رؤوس الشر على عثمان الشهيد حتى ذبح صبرا وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة صفين وظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة ثم ظهرت الروافض والنواصب. Donc le cheikh il met une mise en situation et il fait un retour en arrière rapide en disant que la Umma était une seule Umma après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis leur religion est restée ferme et établie durant le khilafa de Abu Bakr et de Omar radiallahu anhuma, puis il y a eu par la suite la mort de Omar ibn al-Khattab, qui est mort martyr. Et on a mentionné, comme on l'a lu dans les premiers cours, l'explication du fait que Omar était une porte face à la fitna. Et que c'était une porte qui était verrouillée devant la fitna. Et que cette porte, elle n'allait pas être ouverte, elle allait être brisée. Hein? Et la mort, donc, ou l'assassinat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu représentait justement cette porte qui a été brisée ou cassée. Puis par la suite, les gens du mal, parmi les têtes des gens qui appelaient au mal à l'époque de Othman radiallahu anhu, sont venus et l'ont assassiné lui aussi, ils l'ont tué. Et Uthman, radiallahu anhu, est mort martyr, et il a enduré ça avec patience. Puis, il y a eu la division entre les musulmans. La parole des musulmans s'est divisée. Il y a eu la bataille qu'on appelle Al-Jamal. Puis, l'autre bataille qu'on a appelée Saffin. Puis, par la suite, les Khawarij sont sortis. On a vu apparaître les Khawarij. Et ils ont déclaré Kuffar la majorité des Sahaba. Puis, ensuite, on a vu apparaître les Rawafid et les Nawasib. Hein, différentes sectes qui se sont levées par la suite. Donc, في آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية ثم ظهرت المعتزلة والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد المئتين. Donc, le Cheikh il dit, et ensuite, après ça, vers la fin de la période des Sahaba, on a vu apparaître la bid'a des Qadariyya, la secte des Qadariyya, c'est-à-dire ceux qui nient la prédestination. Puis ensuite sont apparus les Mu'tazila et les Jahmiyya, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah, qui nient le Qadar, qui nient beaucoup d'autres choses qui font partie des fondements de la Aqidah de l'Islam. Puis on a vu apparaître également Al-Mujassima, c'est-à-dire ceux qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala un corps, hein, dans la région de Khurasan, et ça c'était vers la période de l'époque des tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba. Et malgré que à cette époque-là il y avait quand même, disons, la force et la précédence appartenait toujours aux gens de la sunna et à la sunna jusqu'à la fin des deux premiers siècles, c'est-à-dire après 200 ans qui sont passés. Donc la sunna était toujours au devant et au dessus. Puis, le cheikh explique par la suite une autre période. Il explique qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Il dit, فَظَهَرَ الْمَأْمُونَ الْخَلِيفَةِ وَكَانَ ذَكِيًّا مُتَكَلِّمًا لَهُ نَظَرٌ فِي الْمَعْقُولِ فَاسْتَجْلَبَ كُتُبُ الْأَوَائِلِ وَعَرَّبَ كُتُبُ الْيَوْنَانِ وَقَامَ فِي ذَلِكَ وَقَعَدَ وَخَبَّ فِيهِ وَوَضَعَ وَرَفَعَتِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَ رؤوسها بل والشيعة فإنه كان كذلك وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن. Donc le cheikh dit que par la suite est apparu le khalifa al-ma'moun, et il était intelligent, et c'est quelqu'un qui aimait rentrer dans les questions de la rationalité, de la raison et de la philosophie, des trucs de ce genre. C'était quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ramener les livres anciens. Et il a fait traduire en arabe les livres grecs. Et les livres, de d'autres civilisations, de d'autres peuples. Il les a fait traduire en arabe. Et il a mis les choses sur pied pour que ces choses-là soient faites. Et il a élevé les Jahmiyyah et les Mu'tazila. Il a fait en sorte que les Jahmiyyah et les Mu'tazila lèvent leur tête, même les Shi'a également. Donc ils ont été élevés à cause de ça. Et mis au-dessus déjà de la Sunna à un certain moment. Jusqu'à ce que il impose à la Ummah par la suite la parole ou l'idée que le Coran est créé. Donc qu'est-ce qu'on appelle la bid'a de khalq al-Qur'an. قال ابن كثير رحمه الله إن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله عز وجل. قال البيهقي ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهجهم أو منهاجهم فلما ولى هو الخلافة اجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوا له فكتب إلى نائبه ببغداد فكتب إلى نائبه ببغداد يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن. فلما وصل الكتاب استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق فأجاب أكثرهم مكرهين واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد ومحمد بن نوح الجندي سابوري. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn Kathir, il mentionne dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le volume 10 à la page 346, et il dit donc que Al-Ma'mun, qui était le khalifa de l'époque, il y a un groupe des Mu'tazila qui ont réussi à prendre le dessus sur lui et à imposer leurs idées au khalifa. Donc Al-Ma'mun, il a été entouré de ces gens-là qui faisaient partie des Mu'tazila, et ils ont réussi à le faire dévier de la vérité vers la fausseté. Et ils lui ont embelli la parole ou l'idée que le Coran est créé. Et ils lui ont embelli également la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il cite ensuite les paroles de l'imam al-Bayhaqi. L'imam Ibn Kathir cite les paroles de l'imam al-Bayhaqi. Et l'imam al-Bayhaqi, il dit, il n'y avait pas dans les khulafa, dans les califes, comme on dit en français, al-khulafa, qui ont précédé al-Ma'mun, parmi les khulafa de Bani Umayya et les khulafa de Bani al-Abbas, il n'y a pas eu aucun khalifa avant qui était sur autre que sur la voie des salafs et sur leur méthodologie. Et le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Aqil, cheikh Mohamed al-Aqil, il met une note de bas de page à ce point ici, et il met une note en disant تدبر هذه العبارة. فهذا الإمام البيهقي رحمه الله, هذا البيهقي رحمه الله من علماء القرن الخامس, يذكر منهج السلف ومذهبهم وأنه الحق. ويأتي اليوم من يقول إن الانتساب إلى منهج السلف ومذهبهم بدعة, بل قوله هذا بدعة وضلالة. الشيخ المين نبدا باتفاجسي إلزي. Hein, observez bien l'expression de l'imam al-Bayhaqi, comment il dit qu'il n'y avait pas parmi les khulafa qui sont venus avant al-Ma'mun, parmi les khulafa de Bani Umayya et de Bani al-Abbas, il n'y a pas eu un khulafa excepté qu'il était sur la voie des salafs et sur leur méthodologie. Donc le cheikh il dit cette parole, regardez cette parole de l'imam al-Bayhaqi qui fait partie des savants du 5e siècle. Il mentionne le manhaj des salafs ainsi que leur voie et leur madhab, et il mentionne que c'est la voie de la vérité. Puis tu vois des gens aujourd'hui qui viennent et qui disent que de s'attribuer ou de s'apparenter au salaf ou au manhaj des salaf et à leur méthodologie, que c'est une innovation. C'est leur parole à eux qui est une innovation et un égarement. Hein? Donc il n'y a rien de mal au fait de se dire salafi et de s'attribuer au salaf, hein, et de suivre leur manhaj et leur méthodologie et de se dire salafi, il n'y a aucun problème et aucun mal là-dedans. Bien au contraire, c'est celui qui refuse ça qui a un problème. Et on voit donc la preuve ici dans cette citation que les premiers parmi les khulafa, ils ont tous été sur la voie des salaf jusqu'à ce que vienne al-Ma'mun. Donc il dit falamma walla, donc quand il a pris le khilafa, Al-Ma'mun a pris le khilafa par la suite, ces gens-là, parmi les Mu'tazila, se sont mis autour de lui. Et ils l'ont poussé à cette idée de dire que le Coran est créé et a nié les attributs d'Allah. Et ils lui ont embelli, hein, cette idée. Alors, Al-Ma'mun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit à son représentant dans la ville de Bagdad en lui ordonnant d'inviter tous les gens à dire que le Coran est créé. Alors quand cette lettre qui a été envoyée est arrivée au représentant de Al-Ma'mun à Bagdad, il a fait venir tous les gens importants, les ulama, les imams, les imams du hadith, et il les a appelés à dire que le Coran est créé. Alors ils ont refusé. Alors il les a menacés de les frapper ou de les couper les vivres, de leur couper les vivres, hein, de cesser de leur donner de l'argent ou autre chose de ce genre. Alors la plupart d'entre eux ont répondu à cet appel par contrainte. Tandis que parmi eux, l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam Muhammad ibn Nuh al-Jundi Yasaburi, ces deux-là ont continué à résister et à refuser de dire que le Coran est créé. Et là, il y a une note de bas de page justement à propos de Muhammad ibn Nuh al-Jundi Yasaburi. Il dit هكذا في البداية والذي في تاريخ بغداد محمد ابن نوح ابن ميمون ابن عبد الحميد ابن أبي الرجال العجلي المعروف والده بالمضروب وكان أحد المشهورين بالسنة وحدث شيئا يسيرا أثنى عليه الإمام أحمد خيرا ووثقه ثم ذكر قصته في إخراجه مع الإمام أحمد زمن الفتنة وفي موته ودفنه ودفن الإمام أحمد له والصلاة عليه تاريخ بغداد. أما الجندي سابوري فقد ترجم له بعده أو ترجم له بعده وذكر أن وفاته عام 321 أي بعد وفاة الإمام أحمد بقرابة 100 سنة. Donc, il explique que Muhammad ibn Nuh al-Jundi Yasaburi, ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans, c'est le nom qui est mentionné dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Mais qu'est-ce qui est mentionné dans Tariq Baghdad, c'est que le nom de la personne qui était avec l'imam Ahmad, c'était Muhammad ibn Nuh ibn Maymoun al-Ajli, hein, dont le père était connu comme étant Al-Madroub. C'était un parmi les gens qui étaient célèbres pour la Sunna, qui étaient sur la Sunna. Et il a rapporté quelques hadiths. L'imam Ahmad a fait son éloge, il a mentionné du bien de lui. Il a mentionné que c'était quelqu'un de fiable. Et il a mentionné également, son histoire est également mentionnée du fait qu'il a été expulsé, lui ainsi que l'imam Ahmad, à l'époque de la fitna, et qu'il est mort en chemin, et que l'imam Ahmad, rahimahullah, l'a enterré, et qu'il a fait la prière sur lui. Ça c'est dans Tariq Baghdad, le volume 3, à la page 322. Tandis que Al-Jundi Yasaburi, ça c'est un autre, il a été mentionné, c'est-à-dire sa biographie est mentionnée après celle de Muhammad ibn Nuh ibn Maymoun, et il est mort par contre en 321, c'est-à-dire après la mort de l'imam Ahmad, c'est-à-dire 100 ans après sa mort. Donc c'était pas le même, c'est pas le même Al-Jundi Yasaburi. Donc ça a l'air que il y a eu un mélange dans le Al-Bidaya wa Al-Nihaya entre les deux, Muhammad ibn Nuh Al-Jundi Yasaburi et l'autre. Donc le nom qui est correct, c'est plutôt Muhammad ibn Nuh ibn Maymoun, hein. Donc ça c'est à propos de ça. Donc les deux ils ont été, le cheikh il dit, fahumila ala ba'irin wa suyra ila al-khalifa an amrihi bidhalik wa huma muqayyadan wa muta'adilan fi mahmalin ala ba'irin wahid wa fi at-tariq balaghahuma maut al-ma'mun farudda ila baghdad وفي طريق العودة مات صاحبه محمد بن نوح رحمه الله وصلى عليه الإمام فلما رجع الإمام أحمد إلى بغداد دخلها في رمضان وأودع السجن بأمر الخليفة المعتصم ومكث فيه نحو من 28 شهرا وقيل نيفا 30 شهرا ثم أخرج للامتحان بين يدي المعتصم وجرى له في ذلك مناظرات مشهورة ومجادلات مع أهل البدع من المعتزلة وأفراخهم من طلاب الدنيا المداهنين للسلطان على باطله. Donc le cheikh explique que comme je disais, ils ont été portés tous les deux sur un seul âne par l'ordre du khalifa pour les amener rencontrer Al-Ma'moun, qui était dans une autre ville. Donc ils les ont fait porter de Bagdad jusqu'à l'autre, dans Al-Sham, je pense, c'était là que était Al-Ma'moun. Donc ils étaient en route pour aller voir Al-Ma'moun, puis en chemin ils ont appris que Al-Ma'moun est mort, le khalifa est mort. Alors ils ont été renvoyés à Bagdad, et sur le chemin du retour, c'est là que Muhammad ibn Nuh rahimahullah est mort. Donc l'imam Ahmad rahimahullah, il a fait la janaza, il l'a enterré, il a pris la janaza sur l'imam, le cheikh Muhammad ibn Nuh. Et tandis que lui, l'imam Ahmad, il est retourné jusqu'à Bagdad, et il est rentré à Bagdad durant le mois de Ramadan. Il a été mis en prison par l'ordre du khalifa Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim, c'est-à-dire celui qui a pris la place après Al-Ma'moun. Et lui aussi était sur la voie des Mu'tazila. Alors il est resté donc en prison pendant environ 28 mois. 28 mois ou bien 30 et quelques mois. Et ensuite, on l'a sorti de la prison pour qu'il soit questionné devant Al-Mu'tasim, devant le Khalifa, comme un genre d'inquisition qu'on faisait pour forcer les savants de l'époque à dire que le Coran est créé, et pour leur imposer la bid'a des Mu'tazila. Donc il y a eu entre Al-Mu'tasim et ceux qui étaient avec lui, parmi les gens de bid'a, des débats très célèbres. Il y a eu des bid'a, il y a eu des gens de bid'a qui ont posé des questions à l'imam Ahmad et qui ont fait des débats avec l'imam Ahmad qui sont très célèbres. Et il y a eu des échanges entre l'imam Ahmad et les gens de bid'a très importants. Parmi les gens de bid'a, c'est-à-dire les Mu'tazila et ceux qui les suivaient à l'époque. Et parmi les gens de la dunya, qui aimaient la dunya et qui avaient accepté de répondre à l'appel du sultan et à encourager le dirigeant sur sa bid'a à l'époque, parce qu'ils aimaient la dunya. Donc ça, c'est des exemples de ce qui se passe. Et on voit que, comme on le sait, c'est la position de l'imam Ahmad et c'est la position de la plupart des grands imams d'Ahl Sunnah qu'ils refusent de débattre ou de faire des débats sur la religion et de rentrer dans des débats avec les gens de bid'a. Sauf si ils n'ont pas le choix, alors là, dans ce cas-là, ils rentrent dans des débats pour réfuter les gens de bid'a et pour les réfuter avec la sunna, avec les preuves de la sunna. Donc on voit que l'imam Ahmed a fait ces débats-là, mais juste parce qu'il n'avait pas le choix et parce qu'il était devant le khalifa. Donc il a débattu avec eux pour cette raison-là. Ensuite, le cheikh il dit فلما أعجزهم وأبى طاعتهم في معصية الله لجأوا إلى ضربه وتعذيبه فلم يجبهم مع ذلك إلى شيء من معصية الله. Donc quand ils ont été incapables de l'amener à accepter leurs idées ou à dire ce qu'ils voulaient, à le forcer à dire ce qu'ils voulaient entendre, ils ont commencé à essayer de prendre une autre méthode avec lui, c'est-à-dire de le frapper et de le torturer pour le faire dire ce qu'ils veulent. Et il n'a, malgré tout, malgré les coups, malgré la torture, il n'a pas répondu à leurs appels. À leur appel, et il n'a rien accepté de la désobéissance d'Allah à ce sujet. قال صالح قال أبي لما جيء بالصياط نظر إليها المعتصم فقال ائتوني بغيرها ثم قال للجلادين تقدموا فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني صوتين فيقول له شد قطع الله يدك ثم يتنحى ويتقدم آخر فيضربني صوتين ويقول في كل ذلك شد قطع الله يدك فلما ضربت 17 صوتا قال إلي يعني المعتصم فقال قام إلي يعني المعتصم فقال يا أحمد على ما تقتل نفسك إني والله عليك لشفيق وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم وجعل بعضهم يقول ويلك إمام ويلك إمامك على رأسك قائم وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول فأقول اعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به فرجع وجلس وقال للجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك ثم قام الثانية وجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني ويعيدون ما قالوه أولا ثم جلد رحمه الله حتى ذهب عقله ثم لما رأوا أنه لا يجيبهم إلى ما طلبوا خلوا عنه وأخرجوه من السجن وكأن المعتصم رق له لما رأى من حاله وثباته. Donc ici la suite de l'explication, il dit que le fils de l'imam Ahmad, un des fils de l'imam Ahmad, Salih, il a dit mon père, il a raconté que lorsque on a ramené les fouets, le khalife al-Mu'tasim a regardé les fouets. Il a dit ramenez d'autres. Il a dit qu'on en ramène d'autres. Alors, il a dit aux gens qui donnent les coups de fouet, les bourreaux, ou les gens qui sont chargés de frapper, ils ont dit avancez-vous. Alors, il y en a un qui se rapprochait de l'imam Ahmad, et il le frappait deux coups de fouet. Alors, Al-Mu'tasim disait frappe plus fort. Que Allah coupe ta main. Et l'autre se retirait et un autre qui s'avançait. Un autre homme s'avançait pour frapper l'imam Ahmad et il lui frappait deux coups. Donc c'est comme s'ils se relayaient, chacun leur tour. Un qui donne deux coups, il se recule. L'autre avance, il donne deux coups, il se recule. Et à chaque fois, Al-Mu'tasim, il leur dit frappez plus fort. Hein? Et un moment, lorsqu'il a reçu 17 coups de fouet, Al-Mu'tasim s'est approché et il a dit, oh Ahmad, pourquoi tu te tues toi-même? Il dit, moi je veux du bien pour toi. Et il y en a un qui venait avec son épée, puis il lui disait, est-ce que tu veux tous les avoir le dessus sur eux tous? Et certains d'entre eux, ils disaient au Khalifa. Certains d'entre eux disaient ton imam est debout devant toi et certains d'entre eux disaient oh Amir al-Mu'minin tue-le et son sang sera sur moi en voulant dire tue-le et moi je vais prendre son sang sur mes épaules en voulant dire dans mon cou ce sera moi qui sera responsable et ils essayaient d'encourager le khalifa donc à faire en sorte que l'imam Ahmad soit exécuté. Il disait à l'imam, il disait au khalifa, tu jeûnes et tu te tiens sous le soleil. Et il y en a d'autres qui disaient à l'imam, donc le Mu'tasim disait à l'imam Ahmad, malheur à toi Ahmad, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu réponds à notre invitation? Est-ce que tu acceptes qu'est-ce qu'on te demande de dire? Que le Coran est créé et des choses de ce genre? Alors l'imam Ahmad leur répondait et leur disait « Donnez-moi quelque chose du livre d'Allah ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour que je puisse le dire. Si vous me dites quelque chose qui est dans le Coran ou dans la sunna, je vais le dire. Sinon, je dis rien. » Alors le khalifa retournait et il retournait s'asseoir. Et il disait aux gens qui avaient les fouets de recommencer à le frapper. Il disait « Allez !» mets-toi devant et frappe-le fort pour que ça lui fasse mal. Il disait qu'Allah te coupe la main en voulant dire frappe-le fort, n'hésite pas. Et quand le premier avait donné les coups, le deuxième s'avançait, il frappait lui aussi. Alors le khalifa disait, malheur à toi Ahmad, malheur à toi ô Ahmad, réponds, réponds. Hein, il continuait à dire la même chose que ce qu'ils avaient dit la première fois. Hein, il continuait ensuite à le fouetter, hein, chacun leur tour, jusqu'à ce qu'il perdait connaissance. Jusqu'à ce qu'il perdait connaissance. Puis lorsque le khalifa voyait que l'imam Ahmad restait ferme et qu'il refusait de répondre à ce qu'il l'invitait à dire, hein, ils l'ont fait sortir de la prison par la suite. Hein, comme c'est mentionné dans Siyar al-Alam al-Nubala, le volume 11 à la page 251 et 252. Donc ils l'ont fait sortir un certain temps de la prison parce que Al-Mu'tasim, lorsqu'il a vu la fermeté de l'imam Ahmad et quand il a vu son état, c'est comme s'il a eu un peu de pitié pour lui. Il est devenu un peu plus doux, hein, envers lui. Et donc il l'a fait sortir de la prison. Mais il dit le cheikh ensuite, ولكن بطانته من أهل البدع يشيرون عليه بضربه وسجنه بل بقتله والعياذ بالله. Donc il dit que les gens qui étaient dans l'entourage du khalifa, parmi les gens de bid'a, ils essaient toujours d'indiquer au khalifa de le frapper et de le faire emprisonner et même de le tuer. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَهَكَذَا نَرَى فَسَادَ أَهْلِ الْبِدَعِ عَلَى الْأُمَّةِ وَشِدَّةِ خَطَرِهِمْ وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ هَوَّنَ مِنْ أَمْرِ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا وزعم أن الاشتغال في الرد عليهم لا طائل تحته فانظر كيف ابتلي الإسلام بمثل هؤلاء الذين فرقوا الأمة وحاربوا الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, regardez donc le désordre et le mal que les gens de bid'a ont amené dans la Ummah, et regardez à quel point leur danger est grave, hein? Et il y a dans cela la réfutation de quiconque essaie d'alléger ou dénigrer le danger des gens de la bid'a, hein, et ceux qui font et qui essaient de dénigrer la bid'a en disant la bid'a c'est pas grave, c'est pas important, et allez, ou qui essaient de dire que de se préoccuper de réfuter les gens de bid'a et de réfuter les bid'a c'est quelque chose qui n'amène à rien. Donc regardez comment l'islam a été éprouvé avec ces gens-là et comment ils ont divisé la umma et comment ils ont combattu le Coran et la Sunna. Donc donc on revient à ce qui est arrivé à l'imam Ahmad. Parce qu'il y a des gens ici maintenant à notre époque, juste à propos de ce qu'on vient de dire par exemple, hein, je me rappelle quand on avait arrangé la venue du cheikh Mohamed ibn Ramzan al-Hajri à Montréal et qu'on a été allé voir dans certaines mosquées pour voir s'ils accepteraient que le cheikh vienne pour faire une conférence dans leur mosquée. Eh bien, dans une de ces mosquées à Montréal, quand on a demandé, ils ont dit on accepte que le cheikh vienne à condition qu'il ne mentionne aucune bid'a et aucun groupe de bid'a, aucune secte. Hein, il ne faut pas qu'il critique personne. Et on a dit mais pourquoi? Il a dit parce que ici, dans cette mosquée, nous, on accueille des gens de toutes les sectes. Et on ne veut pas critiquer personne. On veut que tout le monde ici se sente chez lui. Il dit, Allahul Musta'ad. Hein, on a dit, mais comment vous pouvez prétendre ou dire que dans ce cas-là, vous appelez à l'islam si, lorsque c'est le temps de réfuter les gens du mensonge, les gens de la bid'a, vous dites, non, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les faire fuir, il faut qu'ils se sentent chez eux et il faut accepter tout le monde. Donc ça c'est l'exemple des gens de bid'a et des gens qui défendent la bid'a ou qui se taisent devant la bid'a, qui ne veulent pas la critiquer, jusqu'à ce que eux, ces gens de bid'a, prennent le dessus sur les musulmans et puis qu'ils leur imposent leur bid'a comme ils l'ont fait à l'époque des Mu'tazila avec Al-Mu'tasim et avec Al-Ma'moun et d'autres, hein? Parce que eux ils pensent comme ça que les choses sont aussi simples que ça, que tout le monde, on leur laisse la liberté de faire et de dire, hein, ils viennent, ils font leurs affaires, on accepte tout le monde est chez lui, jusqu'à ce que ce soit les gens de la sunna qui ne soient plus chez eux, hein, et qu'on dise aux gens de la sunna, vous n'êtes plus chez vous, vous ne pouvez plus appeler à la sunna, vous ne pouvez plus clarifier la vérité et réfuter le mensonge, parce que c'est eux qui prennent le dessus sur les gens de la sunna et qui imposent aux gens par la suite la bid'a. Hein, ça c'est à cause de l'inconscience de ce genre de personnes. Après le cheikh dit wa qala l'imam Ahmad, qala Hanbal, sami'tu Aba Abdullah yaqul ذهب عقلي مرارا فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلى نفسي وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب أصابني ذلك مرارا ورأيته يعني المعتصم قائما قاعدا في الشمس بغير مظلة فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دؤاد لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل فقال يا أمير المؤمنين إنه والله كافر مشرك وقد أشرك من غير وجه فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد وقد كان أراد تخليتي من غير ضرب فلم يدعه ولا إسحاق بن إبراهيم. Donc, qu'est-ce qu'il dit? L'imam Ahmad, en fait, c'est Hanbal qui mentionne qu'il a entendu l'imam Ahmad raconter cette parole. Il dit, j'ai perdu connaissance plusieurs fois. Hein, et chaque fois que je perdais connaissance, il cessait de me frapper jusqu'à ce que je reprenais conscience. Et après, je m'allongeais. Et des fois je tombais par terre, des fois je m'allongeais par terre. Et là il cessait de me frapper. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et il dit, j'ai vu le Mu'tasim qui était debout dans le soleil. Ou bien assis au soleil. Et il n'avait pas d'ombrelle. Il n'avait pas d'ombrelle pour le protéger du soleil. Et je l'ai entendu dire à Ibn Abi Du'ad. Ibn Abi Du'ad, c'était un des gens de Bid'a, une des têtes parmi les gens de Bid'a à l'époque. Hein? Donc il a entendu le khalif Al-Mu'tasim dire à Ibn Abi Du'ad, j'ai commis un péché envers cet homme, en voulant dire l'imam Ahmad. J'ai fait du tort à cet homme, j'ai commis un péché envers lui. Alors, Ibn Abi Du'ad, il disait, ô Amir al-Mu'minin, par Allah, c'est un kafir et un mushrik. Il parlait de l'imam Ahmad. Il disait de l'imam Ahmad que c'était un kafir et un mushrik et qu'il avait commis le shirk de différentes façons. Hein? Alors, il continuait, l'imam, le khalife a continué à dire comme si qu'il avait fait du tort à cet homme et ainsi de suite, tandis que Ibn Abi Du'ad, lui, il continuait tout le temps à l'encourager à continuer à le faire torturer, à le faire frapper. Hein, parce qu'il dit que il essaie toujours de le détourner de ce que le khalifa voulait. C'est-à-dire, quand le khalifa voulait le laisser partir sans qu'il soit frappé, Ibn Abi Du'ad, il continuait à dire non, continuez à le frapper. Hein? L'imam Ahmad ainsi que Ishaq ibn Ibrahim, un autre également parmi les ulama. Donc le cheikh il dit, فانظر كيف يتجرأ هؤلاء المبتدع في تكفير الأئمة بلا خوف من الله عز وجل وهكذا أفراخهم في كل زمان يتجرؤون على تكفير كل من خالف مذهبهم وإن كان من كبار الأئمة وسيأتي في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى أمثلة على ذلك. Donc il dit, regardez comment ces gens bid'a, ils avaient de l'affront et comment ils osaient même arriver à faire le takfir, à déclarer kuffar les imams de l'islam sans aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que leurs poussins, ceux qui ont pris de cette voie des gens de bid'a à toutes les époques, ils ont eux aussi osé faire le takfir de toute personne qui sont en contradiction avec leur voie, même si ce sont des grands parmi les imams de l'islam. Et vous allez voir dans la troisième partie du livre, Inch'Allah, des exemples de cela. وبقي الإمام أحمد رحمه الله بعد أن خلوا سبيله في بيته وقتا طويلا يعالج من آثار السجن والضرب فلما شفاه الله خرج إلى الجمعة والجماعة فلم يمنع من ذلك ثم عاد إلى درسه يحدث ويفتي حتى مات المعتصم وولي ابنه الواثق فأظهر القول بخلق القرآن ومال إلى أحمد ابن أبي دؤاد وأصحابه وامتحن الناس حتى أمر الإمام أحمد رحمه الله باعتزال الناس ومنع من صلاة الجمعة والجماعة ومنع من الحديث والفتيا فاختفى أبو عبد الله مدة حياة الواثق فلما هلك وولي المتوكل رفع المحنة وأظهر السنة ففرج عن الناس أي نعم وفرج عن الناس وكان أبو عبد الله يحدث في أيام المتوكل ويقول ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا. Donc le cheikh dit que l'imam Ahmed rahimahullah, après cette période, ils lui ont laissé, rentrer chez lui, et il a été donc pendant un bon bout de temps dans sa maison à se faire soigner des traces et des effets de ce qu'il avait subi comme emprisonnement et comme coup. Puis lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri, il sortait par la suite pour aller prier la Jumu'a et la Jama'a, et il n'avait pas été interdit ou empêché de faire cela. Puis il est retourné par la suite à l'enseignement, et à enseigner le hadith et à donner des fatwas jusqu'à ce que Al-Mu'tasim meure. Puis son fils, le fils de Al-Mu'tasim, a pris le pouvoir par la suite, c'est-à-dire Al-Wathiq. Et lui aussi a pris la position de la parole de ceux qui disent que le Coran est créé. Et il a penché vers l'opinion de Ahmad ibn Abi Duad et ses compagnons, les gens qui avaient fait l'inquisition auparavant. Donc la fitna est revenue encore une fois. Quand Al-Wathiq a pris le pouvoir, il a ordonné à l'imam Ahmad rahimahullah de s'écarter des gens, de ne pas se mélanger aux gens. Et on l'a interdit même d'aller à la prière de Jumu'ah. Et on l'a interdit d'aller faire les prières en groupe. Et on l'a interdit de donner des cours sur le hadith ou de donner des fatwas. Et donc le cheikh, l'imam Ahmad, il est resté caché pendant toute la période de la vie de Al-Wathiq, dans sa maison, il ne sortait jamais. Et lorsque Al-Wathiq est mort, c'est Al-Mutawakkil qui a pris le pouvoir, et c'est lui qui a fait lever l'inquisition et qui a donné la précédence à la sunna et qui a délivré les gens de la bid'a des Mu'tazila. Et Abu Abdullah, il donnait des cours et il enseignait le hadith à l'époque de Al-Mutawakkil, et il disait les gens n'ont jamais eu autant besoin du hadith et de la science que le besoin qu'ils en ont aujourd'hui, à notre époque. Ça c'est mentionné dans Siyar al-Alam al-Nubala, le volume 11 à la page 265. شيخ الزي وقد حصل بين الإمام أحمد رحمه الله وبين المتوكل رحمه الله مراسلات وصلات فأشهر هذه المراسلات رسالة الإمام أحمد رحمه الله إلى المتوكل وذلك أن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان كتب إلى الإمام أحمد يخبره أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن القرآن لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وتبصرة فأجاب أبو عبد الله إلى عبيد الله ابن يحيى بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع عنك المكاره برحمته قد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل أمير المؤمنين بأمر القرآن بما حضرني وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين فنفى الله به كل بدعة وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس فصرف الله ذلك كله وذهب به بأمر المؤمنين ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما ودعوا الله لأمير المؤمنين وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين وأن يزيد في نيته وأن يعينه على ما هو عليه ثم ذكر مذهب السلف في القرآن والنصوص الدالة عليه من الكتاب والسنة ثم قال وقد روي عن السلف أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وهو الذي أذهب إليه لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. Donc le cheikh il mentionne donc cette parole qui est une lettre ou bien un échange qu'il y a eu entre l'imam Ahmad et le khalifa al-Mutawakkil, rahimahullah, parce qu'ils se sont échangés plusieurs lettres à cette époque. Et une des plus célèbres d'entre ces lettres, c'est la lettre de l'imam Ahmad à l'imam au khalifa al-Mutawakkil, et ça c'était par l'intermédiaire de Ubaydillah ibn Yahya ibn Khaqan. Il a écrit donc à l'imam Ahmad en lui disant أن الإمام أحمد يخبره إلدي يحيى ابن خاقان عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان إليخي الإمام أحمد إلدي كالإمام أمير المؤمنين المتوكل إلما أغضني دو تكخير pour te demander au sujet du Coran et il ne demande pas pour te tester ou pour t'éprouver, il demande parce qu'il veut savoir et parce qu'il veut avoir une meilleure compréhension. Alors l'imam Ahmad Abu Abdillah, il a répondu en disant, donc il s'adresse à Ubaydillah ibn Yahya, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que Allah te donne une bonne fin et qu'il te donne le bien dans toutes tes affaires et qu'il repousse de toi tout ce qui est mauvais par sa miséricorde. Il dit je t'ai écrit donc que Allah soit satisfait de toi pour te répondre au sujet de ce que tu m'as au sujet de ce qu'a demandé le prince des croyants Amir al-Mu'minin au sujet du Coran et je t'ai répondu avec ce dont je me suis souvenu à ce moment-là à ce sujet et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse perdurer le succès du prince des croyants Amir al-Mu'minin. Donc il fait des doigts pour le dirigeant, il dit parce que les gens étaient dans il pataugeait dans la fausseté, dans le mensonge. Et les gens avaient divergé entre eux, ils s'étaient enfoncés dans la divergence à ce sujet. Et jusqu'à ce que vienne le Khalifa al-Mutawakkil, Amir al-Mu'minin, et Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait que par lui, toutes les bid'as soient éloignées et repoussées, et que l'humiliation et l'humiliation qui était tombée sur les gens soit dissipée et que toutes les difficultés soient enlevées d'eux à cause de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite par Amir al-Mu'minin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que toutes ces choses-là soient éloignées et repoussées par l'ordre du prince des croyants, le khalifa. Et ces choses-là ont eu un grand impact sur les musulmans. Et ils ont fait des doigts pour le khalifa, pour Amir al-Mu'minin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que les bons doigts qui ont été faits pour Amir al-Mu'minin soient exaucés. Et qu'il fasse en sorte que toutes ces bonnes choses soient يعني donné et exaucé pour Amir al-Mu'minin, et qu'il augmente dans son dans ses bonnes intentions et qu'il l'aide dans ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, il a mentionné, l'imam Ahmed a mentionné la position des salafs au sujet du Coran et les preuves dans le Coran et dans la Sunna qui indiquent cette position des salafs. Puis il a mentionné, il a dit ensuite, on a rapporté également de la part des salafs qu'ils disaient que le Coran est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée. Et c'est ce que je dis moi-même, c'est ma position à moi également. Et je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans le kalam, c'est-à-dire dans la philosophie ou dans les débats au sujet des questions de la religion ou de la croyance en se basant sur la raison ou des trucs de ce genre. Et je ne considère aucune de ces choses qui ont rapport avec le kalam, donc quoi que ce soit, excepté si c'est dans le livre d'Allah ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien quelque chose qui vient d'un sahabi ou bien d'un tabi'in. Mais autre que ça, alors le al-kalam, ce n'est pas quelque chose de louable. Donc cette lettre, c'est un résumé de la lettre qui est tirée de Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dahabi. C'est dans le volume 11 à la page 281 jusqu'à la page 286, si vous voulez voir la lettre en entier. Et l'imam al-Dahabi, il dit justement à la fin de cette lettre, après l'avoir citée, il dit عقب نقله رسالة الإمام أحمد إلى عبيد الله ابن يحيى فهذه الرسالة إسنادها كالشمس. Il dit cette chaîne de la chaîne de transmission de cette lettre, elle est claire comme le soleil. فانظر إلى هذا النفس النوراني. Donc regarde ce souffle de lumière qui est expliqué et exprimé dans cette lettre, qui est clair, qui exprime la aqida des salafs de façon claire, et qui est clair également dans ses positions, qui est la position des salafs. ولذلك فقد أفنى أئمة السنة على الإمام أحمد رحمه الله ورفعوا قدره وأشادوا بفضله على الأمة. C'est pour cette raison que les imams de la Sunna ont fait des éloges de l'imam Ahmad, et ils ont élevé sa valeur et son statut et le mérite qu'il avait sur la Ummah. Wa qala al-imam al-Muzani Ahmad ibn Hanbal yawm al-Mihna wa Abu Bakr yawm al-Ridda wa Umar yawm al-Saqifa wa Uthman yawm al-Dar wa Ali yawm al-Jabal wa al-Saffin. Al-Bidaya wa al-Nihaya. Donc dans Al-Bidaya wa al-Nihaya, le volume 10 à la page 350, on a la parole de l'imam al-Muzani, qui était le compagnon de l'imam al-Shafi'i, qui dit à propos de l'imam Ahmad que l'épreuve qu'a subi l'imam Ahmad, c'est comparable à ce qu'a subi c'est comparable à la position de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu le jour où il a décidé de combattre les gens de l'apostasie, et c'est comparable à la position de Omar ibn al-Khattab yawm al-Saqifa, c'est-à-dire le jour où il fallait qu'on détermine qui allait être le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a eu l'événement qui s'est produit à l'endroit qu'on appelle As-Saqifa, entre les Ansar et lui et Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Puis il a comparé également à la position de Uthman ibn Affan radiallahu anhu yawm ad-dar, c'est-à-dire le jour où il a était patient et qu'il a enduré le jour où les gens des Garmas sont venus pour l'assassiner. Et il a comparé ça également à la position de l'imam Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le khalifa à l'époque, lorsqu'il y a eu les épreuves de Al-Jamal wa Safin. Donc il a comparé l'imam Ahmad à ces situations-là. Ensuite il dit, وَقَالَ أَبُو عُمَرَ ابن النحاس ذكر أحمد يوما فقال رحمه الله في الدين ما كان أبصره وعن الدنيا ما كان أصبره وفي الزهد ما كان أجرده أخبره ما كان أخبره وبالصالحين ما كان ألحقه وبالمعظين ما كان أشبهه وعرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها. Donc il cite encore une fois les paroles d'un autre parmi les imams, Abu Omar ibn Nuhas, dans Al-Bidayah wa Nihaya, le volume 10 à la page 351, il dit que on a mentionné donc un jour l'imam Ahmad, et il a dit que Allah lui fasse miséricorde, comme il était clairvoyant dans les questions de religion, et comme il était patient face à la dunya, et comme il était bien informé au sujet du zuhd et du fait de ne pas donner trop d'importance à la dunya, et comme il était proche et en compagnie des gens pieux, et comme il était quelqu'un qui ressemblait beaucoup aux gens du passé, c'est-à-dire parmi les gens de ilm et les gens de piété, et ainsi de suite. On lui a présenté la dunya et il l'a refusée. Et on lui a présenté la bid'a et il l'a réfutée, il l'a reniée. Hein? Donc ça, c'est des paroles pour montrer la grandeur et l'importance de l'imam. الإمام أحمد يلدي وقال بشر الحافي بعد ضرب أحمد بن حنبل أدخل أحمد الكير فخرج ذهبا أحمر donc البشر الحافي après que l'imam Ahmad a été frappé il a parlé de l'imam Ahmad en disant il a été mis dans la fournaise et il en est sorti de l'or rouge, hein, en voulant dire que le fait d'avoir subi cette épreuve, cette difficulté, eh bien c'est comme si en fait ça a augmenté sa valeur et yani, ça a augmenté sa pureté encore plus, hein, ça l'a renforcé encore plus. فجزى الله الإمام أحمد عن الإسلام وأهله خير الجزاء ورزقنا اتباع منهج السلف والثبات عليه ولا تأخذنا في ذلك لومة لائم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala récompense l'imam Ahmad pour l'islam et pour les musulmans de la meilleure récompense, et qu'il nous donne la possibilité de suivre le manhaj des salafs et de rester ferme sur la voie des salafs et de ne pas nous laisser prendre par le blâme d'aucun blâmeur à ce sujet-là. والذي يهمنا في هذا الباب هو كيف كان هذا الموقف من الإمام أحمد رحمه الله نافعا للأمة في باب لزوم الجماعة وفي التحذير من الفرقة وفي سد أبواب الفتن وقطع الطريق على البدع وأهلها من تفريق الأمة وتحذير صغار طلاب العلم وعوام المسلمين من أسباب الفتن. والجواب على هذا بين واضح من خلال النصوص السابقة لأحداث المحنة، فإن الإمام أحمد رحمه الله إمام عظيم عند أهل السنة وله المكانة العالية في نفوسهم. Donc le cheikh, il pose ici une question très importante. Il dit, maintenant, on arrive à qu'est-ce qui nous intéresse et qu'est-ce qui nous concerne le plus par rapport à la question qu'on veut étudier par rapport à l'imam Ahmad, c'est-à-dire en quoi ou de quelle façon la position de l'imam Ahmad peut être bénéfique pour la Ummah dans les sujets qui ont rapport avec le fait de rester avec la Jama'a et de nous avertir contre la division et de fermer les portes des fitan, hein, et de couper le chemin aux bid'a et aux gens de la bid'a pour qu'ils ne puissent pas diviser la Ummah, et de mettre en garde les petits étudiants en sciences ainsi que le commun des musulmans contre les causes de la fitna. Donc en quoi tout ce qu'on a mentionné peut nous aider dans ce domaine-là? Et le cheikh il répond, il dit ça c'est quelque chose qui est très clair si on retourne, si on regarde les textes qu'on a mentionnés précédemment au sujet des événements, des différentes épreuves, parce que l'imam Ahmad ibn Hanbal est un grand imam parmi les imams de la sunna et des gens de la sunna, et il a une place très élevée dans leur cœur. Et donc, on va donner des exemples, le cheikh va donner des exemples de la position justement de l'imam Ahmad vis-à-vis de cette question-là en particulier. Il dit فإن الناس برأيه يأخذون وعن قوله يصدرون ومع ذلك فقد رأينا من أبي عبد الله رحمه الله العجب العجاب من صبر على الحق وهضم لحظوظ النفس وبعد عن إظهارها وإشهارها في غير حق وصبر على ظلم الولاة وجورهم فقد ضربوه وعذبوه وسجنوه الواحد تلو الآخر وضيقوا عليه وأمروه باعتزال الناس ومنعوه من الجمعة والجماعة ومنعوه من الحديث والفتية وهو الإمام المعظم وشيخ الإسلام المكرم بلا منازع ولا مدافع فلم نسمع منه في حقهم إلا كل خير فما دعا عليهم ولا اغتابهم ولا ألب الناس ضدهم بل سمع وأطاع في غير معصية الله وطلبوه فأجاب وسجنوه فصبر وجلدوه فاستسلم وحجزوه في بيته فما خرج ومنعوه من الجمعة والجماعة فصلى في بيته فلم يحزب حزبا ولم يجمع حوله شبابا يتزين بهم ويمتطيهم للظهور والشهرة كحال المفتونين والعياذ بالله بل صبر وصابر ورابط رحمه الله. Donc le cheikh il explique ici que les gens prennent l'opinion de l'imam Ahmad et ils mettent sa parole en avant des autres, hein? Et la position de l'imam et l'opinion de l'imam Ahmad Abu Abdillah rahimahullah à ce sujet-là est une des plus étonnantes dans les exemples qui nous montrent sa patience, comment il a été endurant dans la vérité et comment il s'est éloigné de toutes les différentes tentations qui peuvent attirer l'âme de l'homme, hein, vers les désirs de la dunya ou des choses de ce genre. Il n'avait aucun désir pour ces choses-là, hein. Et comment il était loin de tout ce qui pouvait le faire détourner de la vérité dans ces choses-là. Il a été endurant vis-à-vis de l'injustice des dirigeants et de leur oppression. Et ils l'ont frappé, c'est-à-dire il s'est fait frapper par les dirigeants, il s'est fait torturer par les dirigeants, il s'est fait emprisonner par les dirigeants. Quand un mourait, l'autre prenait la suite, hein, l'autre prenait la relève pour continuer à le faire torturer ou à lui donner des problèmes ou des choses de ce genre. Et on lui a donné toutes sortes de difficultés. On lui a ordonné de rester loin des gens. On lui a même interdit d'assister à la prière de Jumu'ah et d'assister à la prière en groupe. On l'a même interdit d'enseigner le hadith et de donner des fatwas. Malgré que c'était un des grands imams, Cheikh l'Islam, un des plus honorés parmi les hommes de science de son époque, sans aucune contestation, et personne remettait ça en question, et on n'a jamais entendu de sa part au sujet de ses dirigeants excepté du bien, et on ne l'a jamais entendu excepté faire des doigts pour eux, et il n'a jamais parlé dans leur dos. Et il n'a jamais essayé d'inciter les gens contre eux, contre ses dirigeants. Même au contraire, on l'a entendu, hein, et on l'a vu obéir à ses dirigeants dans tout ce qui n'est pas une désobéissance d'Allah. Ils lui ont demandé de se présenter, hein, ils lui ont demandé de se présenter, il s'est présenté. Ils l'ont emprisonné, il a été patient. Ils l'ont fouetté, ils l'ont frappé, il s'est soumis. Hein? Ils l'ont emprisonné dans sa maison, il n'est pas sorti. Ils lui ont interdit d'assister à la prière de Jumu'ah, à la prière en groupe, il a prié dans sa maison. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a commencé à former un groupe ou un parti? Non, il n'a pas formé de parti. Il n'a pas rassemblé autour de lui des jeunes pour essayer de s'embellir avec eux, hein, et pour essayer de montrer sa popularité, comme le font certains parmi les gens qui sont, hein, qui sont tentés par le shaitan à notre époque, bien au contraire, ils ont été patients et endurants et ils ont persisté dans cette endurance-là. Il a été endurant, il a persisté dans cette endurance-là. Ça, c'est la voix des gens d'Ahlus Sunnah et des imams d'Ahlus Sunnah. Il dit, وَقَدْ أَشْكَلَ dit le Cheikh, وَقَدْ أَشْكَلَ حَالُهُ حَتَّى عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِ وَلِذَلِكَ حَوَلُوهُ عَلَى سَبِّ السُّلْطَانِ وَالدُّعَاءِ عَلَيْهِ أَوْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ فَأَبَى ذَلِكَ بَلْ نَعْذَرَهُمْ عَلَيْهِ وَتَبَرَّأَ مِمَّنْ عَمِلَهُ أَوْ اعْتَقَدَهُ حِرْصًا مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْأُمَّةِ وسدا لأبواب الفتنة وهي مسائل كبار لا يفقهها للأسف الشديد كثير ممن تصدر للعلم اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette situation de l'imam Ahmad, elle a troublé beaucoup de gens de son époque, et c'est pour cette raison-là qu'il y a des gens qui sont venus pour essayer de l'inciter à insulter le dirigeant, ou à faire des invocations contre le dirigeant, ou à appeler à la rébellion et à la révolte contre le dirigeant. Et il a refusé tout ça. Et il a même discuté avec ceux qui l'appelaient à ces choses-là, et il a débattu avec eux, et il s'est même désavoué d'eux et de ce qu'ils faisaient, ou de ce qu'ils croyaient. Hein, comme c'est mentionné dans Siyar al-A'lam al-Nubala, volume 11 à la page 263. Hein? Et tout ça, il le faisait parce qu'il voulait, bien entendu, le bien pour la Ummah, et parce qu'il voulait fermer les portes de la fitna. Parce que ce sont des questions qui sont très graves, très importantes, que peu d'entre les gens aujourd'hui comprennent, malheureusement, parmi ceux-mêmes qui se mettent de l'avant pour parler de la science aujourd'hui. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hein? Vous voyez des gens aujourd'hui qui rentrent dans la da'wah ou qui parlent de la da'wah, hein, et qui parlent de l'islam, et qui parlent même parfois au nom, qui prétendent même parfois être sur la sunna et être sur la voie d'Ahlus Sunnah, et qui, lorsqu'ils rentrent dans ces sujets qui ont rapport avec les dirigeants ou les choses de ce genre, ils tombent dans la fitna des gens de bid'ah, et ils ne sont pas capables de prendre la position qu'ont pris les imams d'Ahlus Sunnah, et entre autres l'exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal à ce sujet-là. Il cite comme exemple de cette parole pour dire que même parmi les gens qui sont de l'avant aujourd'hui et qui parlent de l'islam, ou qui parlent de ilm, on voit des gens qui tombent dans ce genre d'erreur. Hein? Il cite la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit, قال l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, الأصل الثالث أن من تمام اجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العمل به. Donc il dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans Al-Usul al-Sitta, lorsqu'il explique un des fondements, parmi les fondements de Al-Usul al-Sitta, il explique le fondement numéro 6. Il dit que parmi les choses qui font partie justement de ce qui vient compléter le fait, hein, de rester réunis, de s'unir et de rester ensemble, et de rester unis, de rester une jama'a, c'est le fait qu'on écoute et qu'on obéisse à celui qui a été placé sur nous comme étant le dirigeant, même si c'est un esclave éthiopien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça d'une explication qui est claire, hein, et évidente sur tous les points de vue. Hein. Et il a expliqué ça par différentes façons, dans la charia et en donnant des exemples même de la réalité de la vie, pour nous faire comprendre ces questions-là. Et il dit ensuite, on a vu que ce fondement-là, qui est le fondement de rester unis et de ne pas se diviser, de ne pas désobéir aux dirigeants, dans l'obéissance, dans qu'est-ce qui est une chose qui est bonne, de façon générale, on voit que ce fondement-là, la plupart des gens qui prétendent travailler pour l'islam aujourd'hui, ils ne le connaissent pas, ce fondement. Hein? Et c'est une réalité, Allah musta'an, aujourd'hui. Maintenant, tu vois des gens parmi ceux qui prétendent travailler pour l'islam, qui prétendent travailler pour la da'wah, qui prétendent travailler pour la sunna même parfois, et tu les vois en train de contredire ce fondement de parmi les fondements de Ahlus Sunnah, qui fait partie d'un des fondements les plus importants de Ahlus Sunnah wal Jama'a par rapport à cette question. Et qui disent par exemple, ah mais les ulama qui disent qu'il faut écouter au bureau dirigeant, ça c'est des savants qui sont ils travaillent pour les gouvernements, ce sont des agents du gouvernement, ils font ça pour la dunya ou des choses de ce genre, et ils laissent de côté tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnent d'écouter et d'obéir, comme si pour eux ces hadiths là c'est pas important. L'important c'est quoi? C'est qu'est-ce que eux veulent établir selon leurs désirs et leurs passions, et les hadiths qui sont authentiques, rapportés, et qui sont rapportés même à plus qu'une centaine de hadiths sur cette question-là et sur ce sujet-là, et qui sont authentiques et clairs, ils les rejettent du revers de la main parce que ce n'est pas en accord avec leurs passions. Et que ça contredit les idéologies des koufars, qui appellent à la démocratie, à la laïcité, aux droits de l'homme, qui appelle à la liberté et à tout ce qui est contraire au principe de ce que les prophètes d'Allah ont enseigné à l'humanité. Mais ça, c'est pas important pour eux, puisque eux, ils veulent suivre leurs désirs et leurs passions, comme on a dit. Et chaque fois qu'il y en a un qui veut enlever du pouvoir quelqu'un qui est là, il va toujours ramener ces mêmes arguments. Comme là, par exemple, il y avait un dirigeant dans un pays, eux, ils ne l'aimaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le pouvoir avec lui ou des choses de ce genre. Alors, ils amènent des arguments pour essayer de l'enlever du pouvoir. Ils vont ramener des slogans que tout le monde utilise à chaque fois parmi ces gens-là. La démocratie, la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, la justice, et ainsi de suite. Donc, ils se révoltent. Et là, il y en a d'autres qui prennent le pouvoir. Après un certain temps, les choses se stabilisent un petit peu, après toute la fitna qui est arrivée. Et là, il y a un autre groupe qui commence à se lever, qui disent, bon, eux aussi, ils ont des problèmes, ils ont ci, ils ont ça, donc il faut encore faire une autre révolution contre eux parce qu'ils sont pas justes, ils sont pas ci, ils sont pas ça, ou bien ils jugent pas selon qu'est-ce que nous on veut. Alors ils viennent et commencent à faire une autre révolte encore. Et c'est une fitna qui ne cesse jamais. Et c'est pour cette raison-là que les ulama et les imams d'Ahlus Sunnah, quand ils ont lu les preuves du Coran et de la Sunnah, ils ont vu que cette chose-là, elle est claire. Et c'est pour ça qu'ils se sont tous mis d'accord pour dire que cette voie-là, c'est une voie d'égarement, une voie de bid'a. Et que cette porte-là, il faut la fermer complètement. Il ne faut pas l'ouvrir. Il ne faut pas écouter à ceux qui appellent à cette voie-là. Et que c'est une voie qui appelle uniquement à la division et à l'égarement et à la faiblesse. Donc ça c'est clair. Donc inchallah, là où est-ce qu'on était rendu? On était rendu donc à lire cette parole là. Le cheikh ici, il dit wa sa'adhkur ba'd ma warada 'an al-imam Ahmad rahimahullah fi hadha al-asl al-'azim. Il dit, je vais mentionner quelques-unes des paroles qui ont été rapportées de l'imam Ahmad au sujet de ce grand fondement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, inshallah, on va s'arrêter ici. Puis, au prochain cours, c'est à cet endroit-là qu'on va continuer, inshallah. C'est-à-dire, on va lire des exemples, des paroles de l'imam Ahmad au sujet de la fitna. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la fitna, c'est-à-dire de ceux qui appelaient les gens à se révolter contre les khulafa à l'époque. Et comment il leur a répondu et comment il a parlé à ceux qui invitaient à ces idées-là. avec des citations et des exemples clairs à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis la semaine prochaine, donc on va continuer la lecture de ces points-là. Puis si on a le temps, on commencera peut-être même à lire une partie de l'exemple de la position de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Mais je ne sais pas, peut-être qu'on n'aura pas le temps, ou bien qu'on aura le temps juste de lire une partie, on verra, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis on continuera donc samedi prochain. Oh non, samedi prochain, oui, ça c'est une annonce que je devais faire aussi. C'est que samedi prochain, il n'y aura pas de cours samedi prochain parce que je suis invité à Toronto par les frères du centre de la mosquée, des frères de Troyd, le site Troyd. Donc, ils m'ont invité pour donner une conférence chez eux. Donc, je vais être là-bas vendredi, samedi et dimanche. Donc, il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Mais la semaine d'après, Inch'Allah, on va se retrouver. Puis, venez là pour faire la suite du cours. Donc, c'était juste pour vous avertir en même temps. Donc, Inch'Allah, on se retrouve demain pour le charh de Kitab al-Tawhid, l'explication du résumé de Kitab al-Tawhid, Inch'Allah. Na'am, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.